on a déjà bien montré dans de très nombreux textes, que ce soit des textes de SLR, de SLU, ou de différents enseignants, chercheurs, des tribunes, des analyses, à quel point la politique d'excellence était source d'inégalités. Je ne veux pas revenir dans le détail sur ces inégalités, en particulier territoriales. Je veux simplement les rappeler pour ensuite essayer de poser, je ne dis pas une grille de lecture, mais une affirmation politique paradoxale et que j'espère un petit peu décapante. Alors, inégalité territoriale, bien sûr, avec les pôles d'excellence, dont on peut faire l'hypothèse qu'ils seraient surdotés. Et j'insiste sur ce point dans la mesure où on se rend compte que les intérêts du grand emprunt n'arrivent pas ou arrivent véritablement au compte-goutte. On n'a peut-être pas encore remarqué non plus que le plan campus ne fait l'objet que d'un financement très partiel. Avant-hier, je suis retourné vers des documents de 2011 sur le plan campus Strasbourg. Était prévu 112 millions provisionnés au début de l'année 2012. J'ai fait les comptes, 16,9 millions en 2011, 3,6 millions prévus pour 2012. On est à peine à 20 millions sur les 112 prévus. Je pense que c'est à peu près la même chose dans les autres universités. Il y a un scandale en suspens. Je pense qu'il va éclater d'ici peu. Où est passé l'argent du grand emprunt? On n'en sait rien. Personne ne peut répondre à cette question. La politique d'excellence, c'est aussi un levier fort pour conduire une politique de regroupement et de fusion. Fusion-absorption des petits par les gros. Petits labos par les gros labos, petites universités par de grosses universités, etc. Mais c'est aussi un vecteur d'inégalité dans les secteurs disciplinaires. On l'a bien montré. On est particulièrement attaché à SLU dans la mesure où on est assez nombreux à être originaires de sciences humaines et sociales. Et on se rend compte très clairement aujourd'hui que via la politique d'excellence, les SHS n'existeront plus à l'avenir que dans une seule région, Paris-Île-de-France. C'est le grand ménage partout. L'université de Strasbourg, ce sera la médecine, la chimie et quelques miettes pour les SHS. Je prends un exemple très concret. Je crois qu'il faut donner des chiffres, sinon on ne comprend rien, on ne montre rien. La totalité de la dotation de l'ensemble des LABEX de l'université de Strasbourg, c'est 54 millions. 52 millions vont à la médecine et à la chimie, 2 millions vont au SHS. Un LABEX, SHS en musicologie. Voilà. Bon. 54, 52, 2. Il me semble que c'est assez clair. L'une des conséquences, c'est aussi l'affaiblissement, bien évidemment, de la recherche fondamentale en SHS, mais aussi, on ne le souligne pas suffisamment, en sciences de la Terre et de l'univers, même en biologie. Cette politique d'excellence repose sur un axiome qui n'a jamais été vérifié ou démontré, c'est le critère de la taille. Plus on serait grand, plus la recherche et les formations seraient de qualité. On n'a pas fait la démonstration. De l'autre côté du Rhin, en Allemagne, on a eu l'intelligence de labelliser la petite université de Constance, par exemple. On pourrait très bien labelliser certains secteurs de recherche de la petite UHA, l'université de Haute-Alsace. Pourquoi concentrer autant de moyens sur quelques pôles d'excellence? Est-ce que c'est efficace? Il faut se poser la question. J'en arrive, après ces quelques rappels, à le point que j'aimerais poser là. La question centrale que pose la politique d'excellence est celle de la montée en puissance, vraiment exponentielle, du financement de l'enseignement supérieur et de la recherche par voie d'appel à projet, par cette logique d'appel à projet qui se substitue en très grande partie et de plus en plus au financement récurrent de l'État. Or, le financement de la recherche, mais aussi de la formation, vous voyez, il défie, par des appels à projets, me semble être le cheval de Troie qui a été introduit très habilement, c'était savamment pensé, dans l'enseignement supérieur et la recherche, pour y briser ce qui subsiste de collégialité et de démocratie, mais aussi pour y conduire ce que j'appellerais, et sans hyperbole, un véritable plan social de la science. En ce sens, on pourrait démontrer, ironiquement, que la réforme du quinquennat, la réforme de l'enseignement supérieur et de la recherche, est une parfaite réussite. C'est une parfaite réussite, du point de vue de l'idéologie libérale, autoritaire, du gouvernement actuel. Alors, j'ai pu observer très concrètement, donc dans l'une des premières universités idexées, très riche, paraît-il, l'université de Strasbourg, que ce cheval de Troie contenait en quelque sorte dans son ventre toute une série de sous-munitions particulièrement redoutables. Je l'ai observé du point de vue du conseil d'administration, puisque je suis élu au conseil d'administration de cette université. Ça fait donc 2-3 ans que j'observe ce qui se passe. Parmi ces sous-munitions redoutables, la première est celle de la division. De la division et de la concurrence entre les laboratoires et les chercheurs. Projet monté en petit comité, bien sûr sans consultation des conseils de laboratoire ou des conseils de composantes, porteurs uniques travaillant dans leur coin, presque en cachette, pour des projets considérables. En un été, il y a des projets d'Equipex qui ont été montés par une ou deux personnes. Même chose pour les Labex et bien d'autres appels à projets quand ce n'est pas carrément par le comité de pilotage du Grand Emprunt et des personnels extérieurs à l'université avec conseillers venus du ministère. Quand ce ne sont pas des projets directement construits avec l'aide, le soutien de cabinets de consultance extérieurs à l'université. La politique d'excellence, c'est de mon point de vue une logique d'exclusion de la collégialité, d'exclusion du travail en équipe. La seconde sous-munition de ce cheval de Troie est la mise en place de structures de gouvernance parallèles qui n'ont pas cessé de se multiplier. C'est un véritable hold-up qui s'est exercé à l'encontre des universités et de leurs instances consultatives et délibératives, CVU, CS, CA. Quelles sont ces instances? Les presses, les FCS, les fondations de coopération scientifique, les fondations partenariales, les COS, comités d'orientation stratégique attachés au président avec des personnalités issues du monde de la finance et de l'industrie, essentiellement pharmaceutique et agroalimentaire pour ce qui est de l'université de Strasbourg. Ces gens ont aujourd'hui bien plus de pouvoir qu'une dizaine d'administrateurs élus. Dans les prises de décision, la définition de la politique de recherche et même de la politique de formation de l'université. Les comités de pilotage se sont multipliés. Triple, ce que j'ai appelé dans un article que j'avais mis sur Mediapart l'an dernier, Son Excellence, l'Excellence, radiographie d'une imposture, ce que j'ai appelé une triple exocratie, personnalité du monde de la finance et de l'industrie dans l'Écosse et les comités de pilotage, société de consultance remplaçant la capacité d'expertise et de montage de projets des chercheurs et des enseignants-chercheurs, comme si les chercheurs et les enseignants-chercheurs n'étaient pas capables de monter des projets. Je pense qu'ils sont formés à ça et qu'il n'y a pas besoin de faire appel à des cabinets de consultance pour les monter à leur place. Et enfin, un pouvoir direct du secteur privé, des entreprises, dans la définition des projets et des programmes de recherche. La troisième sous-munition redoutable qu'il y a dans ce cheval de Troie des IDEX et de tous les ex, bref, de l'ensemble de la politique d'excellence, et qui découle en quelque sorte des précédentes, c'est l'entrée massive du secteur privé dans les universités. Via les fondations, via des projets, via l'ensemble des projets labellisés, Je n'en citerai qu'un pour l'Université de Strasbourg. Je crois qu'il faut prendre au moins un exemple. Le projet EASE, c'est une usine-école, un projet à 20 millions. C'est vraiment dans le cadre de la politique d'excellence, puisque c'est labellisé dans les formations en alternance. Il s'agit de construire une usine-école de 5000 m², donc sur le campus de l'Université de Strasbourg, pour former les personnels de l'industrie pharmaceutique. Quel est le montage juridique ? L'université va être propriétaire des murs. Il y a une SAS qui est créée pour gérer l'ensemble de ce qu'il va y avoir à l'intérieur de ces bâtiments, c'est-à-dire des salles blanches, gérer les personnels, etc. La question qu'on mène un combat en conseil d'administration contre les statuts de cette SAS et contre le fait en particulier que on va mettre toute une partie du potentiel de recherche de l'université au service direct de l'industrie et de la formation continue dans le champ de l'industrie pharmaceutique, avec des risques financiers considérables. Il existe un seul équivalent de cette usine-école aux États-Unis. Risques financiers considérables, si la SAS ne peut plus payer les loyers à l'université, qu'est-ce qu'on fait ? Dans un contexte de crise économique, il n'est même pas sûr que la rentabilité d'un tel projet soit assurée. Je dirais alors, pour terminer, je ne vais pas être trop long, que la réforme des universités est peut-être bien l'une des grandes réussites du quinquennat Sarkozy, la grande réussite du pouvoir sarkozyste. Ça a conduit à trois choses. À la division de la communauté universitaire, division entre ceux, il faut le reconnaître, qui sont favorables au projet d'excellence, qui les pilotent, ceux qui sont en retrait, qui hésitent ou qui sont indifférents, et ceux qui sont contre. Je ne suis pas sûr que ceux qui sont véritablement contre aujourd'hui la politique d'excellence soient majoritaires. Donc division de la communauté universitaire, affaiblissement considérable de la démocratie. Les conseils d'administration sont devenus des chambres d'enregistrement. On n'a peut-être pas souligné, mais il faut le rappeler, que la modalité d'élection donne une prime considérable à la liste arrivée en tête. J'ai été élu sur une liste intersyndicale qui a fait 28%. On a eu au départ un seul élu. Alors que la liste d'Alain Berrette s'est élue avec 51%, mais il a eu 12 élus enseignants collège A et collège B sur 14. Et ça, c'est inadmissible. Il faut en terminer avec ça. Et puis, troisième chose, l'entrée massive du privé, et je dirais même la mise au service du privé du potentiel de recherche de l'enseignement supérieur et de la recherche, organisme de recherche compris, le CNRS étant en train d'être transformé en simple agence de moyens, non pas au service seulement des universités, mais au service de la politique d'excellence elle-même. La seule chose qui pourrait ne pas être une réussite, mais j'en suis même pas sûr, la seule chose qui échappe à mon sens à cette réussite remarquable, réussite donc d'un libéralisme autoritaire, c'est la conséquence catastrophique du financement par appel à projet. En effet, les LABEX, les EquipEx et l'ensemble des projets, comme tous les projets de ces concours d'excellence, ne sont financés par l'ANR, l'Agence nationale de la recherche, que pour ce qui est des coûts directs. L'ensemble des coûts indirects restant à la charge des universités. Ces coûts indirects ponctionneront durablement le budget récurrent des universités. Des présidents d'universités s'en sont émus, ont protesté. La CPU également a officiellement protesté. Au point que plus les universités comme celle de Strasbourg sont labellisées, on a tout eu, on a eu un paquet absolument monstrueux, je ne sais plus, 15 réussites au moins, des appels à projets d'excellence, plus elles encourent le risque de devoir amputer leur budget récurrent. Le paradoxe est le suivant, plus les universités sont riches, plus elles s'appauvrissent. Je prendrai un dernier exemple, parce que c'est quand même significatif. On a touché notre première tranche IDEX. Qu'est-ce qu'on a touché ? On a touché une avance de 10 millions. Sur ces 10 millions, notre budget récurrent de la recherche étant en baisse, la présidence a décidé d'attribuer 4,5 millions de ces 10 millions au budget récurrent de la recherche. Voilà. 4,5 millions, c'est quasiment la moitié. Le budget de la recherche de l'Université de Strasbourg, il y a 3 ans, c'était 30 millions. Aujourd'hui, on est à 24,5 millions. Parce qu'on a injecté 4,5 millions dans le budget récurrent de la recherche. Donc on devrait être à 20, c'est un tiers de l'UB Recherche de l'UDS qu'on a perdu en 3 ans. L'Université de Strasbourg devrait aujourd'hui être sous tutelle du rectorat. La réserve prudentielle, légalement, ne doit pas être inférieure à 32 millions. Or, pour atteindre les 32 millions, on y a injecté artificiellement par un jeu d'écriture 10 millions de subventions pour des travaux importants. Si on n'avait pas injecté ces 10 millions dans la réserve prudentielle, il se pourrait que l'Université de Strasbourg soit sous tutelle du rectorat.